Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, nous sommes le 2 août 2016. Voici les grandes articulations de ce journal, l'édition de la soirée. Le journaliste correspondant du journal britannique Oximity News a comparu ce lundi devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Nahangwa. Julien Barinzigo est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et gribouillage de la photo du président de la République. Et le groupe de Pressiwatchou affirme détenir des indices sérieux qui pourraient aider la police si elle s'implique davantage à retrouver le journaliste Jean Vigilimana. Antoine Kaburahe et son groupe disent être prêts à collaborer pour plus d'investigations. Alors que la population, notamment celle de Moussaga, se plaint d'être rançonnée lors des fouilles et perquisitions par des agents de la police, le porte-parole de la police lui conseille de se confier à l'administration locale ou à l'autorité policière la plus proche. Les investissements dans le secteur agricole restent très limités, mais le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage a, dans une rencontre ce mardi, encouragé les opérateurs dans ce secteur. Et dans la chronique santé, il sera question de l'hypertension artérielle avec le cardiologue Dr Baransaka Élisée. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir, le ministère public dans le dossier du journaliste Julien Barinzigo du journal Oximity News n'a pas su donner des justifications claires sur les charges portées contre lui. C'est l'avocat de la défense, Réverien Mandela Kiza, qui l'a dit. Et après sa deuxième comparution devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Nahangwa, c'était ce lundi. Ce locataire de la prison centrale de Mimba est pour le moment accusé de gribouillage de la photo du président de la République et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le ministère public n'a pas de justification suffisante parce qu'il se limite à dire que M. Julien a gribouillé la photo qui se trouve dans les livres de sciences humaines, tout simplement. C'est pourquoi nous disons qu'il n'a pas beaucoup suffisant de culpabilité pour que notre client reste en défense préventive. Vous savez, il est journaliste, il était invité à Arusha lors des négociations et a envoyé un message à ceux qui lui demandaient comment ainsi les choses se déroulaient là-bas. C'est ce message-là qu'il invoque. Cette deuxième charge avait été abandonnée par le ministère public. En fait, cette modification, nous l'avons accueillie avec regret parce que c'était le même magistrat. Nous avons des inquiétudes là-dessus, mais nous avons espoir que le juge va statuer en faveur de notre client. À sa défense, qu'est-ce que vous avez préconisé pour qu'il soit libéré? Nous avons invoqué le position légale qui milite en sa faveur parce qu'il est détenu d'une façon abusive parce que le code de procédure pénale prévoit que lorsque quelqu'un est mis sous mandat, il doit comparaître dans 15 jours pour que le juge statue sur sa détention préventive. Alors, notre client a plus de 30 jours en détention préventive, alors que la loi ne prévoit que 15 seulement. Ces délais sont largement dépassés. C'était l'avocat révérien Mandela Kiza qui défend Julien Barinzigo, ce journaliste de correspondant du journal britannique Oximity News. Il est sous mandat depuis le 30 juin dernier. Ses propos ont été recueillis par Placide Niyomwongere. Et le journaliste Jean-Bigrimana du groupe de presse Iwatchou est collaborateur de l'agence Fonds Grand Lac, qui est toujours porté disparu depuis déjà 12 jours. Il a été arrêté le 22 juillet à Bougarama, en province de Mouranvia. La police nationale et le service national de renseignement nient toute implication dans ce groupe, dans ce que le groupe de presse appelle aujourd'hui enlèvement d'après ses investigations. Pour le directeur du groupe de presse Iwatchou, Antoine Kaburahe, il est inconcevable qu'une personne puisse disparaître en plein jour. Néanmoins, il affirme que des indices sérieux à sa disposition pourraient aider la police si elle s'implique davantage à retrouver le journaliste afin de soulager la famille du journaliste ainsi que les professionnels des médias. En attendant, tous s'accrochent à l'idée que Jean Vigilimana est toujours en vie et demandent que son intégrité physique soit préservée. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une attaque à la grenade lancée dans un bar nommé Kigabiro dans le quartier Ruziba de la zone Kanyosha en commune Mouha. C'était la nuit de ce lundi à mardi, aux environs de 20h. Les auteurs de l'attaque, ce débit de boisson appartenant à un certain Protéman Irakiza, n'ont pas encore été identifiés. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La population est appelée à se confier à l'administration locale ou à l'autorité policière la plus proche chaque fois qu'elle remarque qu'un agent de la police rançonne des gens lors des fouilles et perquisitions. Le porte-parole de la police nationale donne ce conseil à la suite des lamentations de certains individus, notamment ceux d'Umsaga, qui affirment avoir été victimes des bavures de ce genre. Cependant, Pierre Mourikiye dit que de telles infractions ne lui ont jamais été transmises dans les rapports qui lui parviennent. Les fouilles et perquisitions qui sont opérées quelque part dans le pays et à Moussaga, ce sont des mesures préventives qui visent à protéger la population et ses biens. Et ce sont des mesures qui sont effectuées chaque fois que les forces de l'ordre ont des informations, fournies d'ailleurs principalement par la population, comme quoi il y aurait quelque chose ou quelqu'un qui est susceptible de perturber la paix et la sécurité. C'est donc dans l'intérêt de cette population que d'autres fouilles et perquisitions s'opèrent dans cette localité. Et dire que maintenant, ils s'opèrent à une fréquence exagérée par rapport aux autres endroits, non. Plutôt, maintenant, d'autres opérations de police ne sont plus très nombreuses et ne se font que lorsque la police a eu des informations de l'existence de cet élément et pouvoir perturber la sécurité. La population se fait rançonner par certains éléments de la police qui font ces fouilles et perquisitions. Pourquoi cette pratique ? Et au cas où l'un ou l'autre policier aurait commis une telle bavure, eh bien nous en appelons à la population victime et aux témoins de s'adresser à l'administration ou aux responsables de la police à Moussaga pour que d'autres éléments soient interrogés et que des mesures légales soient prises à leur encontre. Parce que vous savez qu'au niveau de la police ne peut pas tolérer d'autres cas d'indiscipline. Est-ce que les grognes de la population ne sont pas parvenues jusqu'à la police ? Je vous dis que sur base des rapports d'exécution des tâches policières, il n'y a pas quelque part où est indiqué qu'il y aurait des policiers qui rançonnent la population. C'est pourquoi nous invitons cette population qui grogne de s'adresser aux instances habilitées et pour que des mesures adéquates soient prises au cas où d'autres actes auraient été commis par l'un ou l'autre policier à l'insu de la police, à l'insu des responsables de la police sur le terrain. Pierre Mourikiye, dont les propos ont été recueillis par Joseph Nsabiyabandi, c'était à l'aéroport international de Bujumbura, vous l'aurez entendu, l'élément a été embrouillé. Et vous voudrez bien nous excuser par les désagréments causés par cet élément sonore. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a procédé aujourd'hui au lancement officiel des activités de l'antenne Ouest. Le président de la CNIDH a fait savoir que l'antenne sera basée à Bujumbura, mais qu'il y aura des représentants de cette commission dans les 5 provinces qui vont être couvertes. Et que ce sera un avantage pour les populations de ces provinces qui auront la facilité d'accéder aux services de la CNIDH. Jean-Baptiste Baribonekeza a également indiqué que cette région Ouest avait besoin d'être assistée car elle a des particularités liées à l'insécurité, la cause principale de la violation des droits de l'homme dans cette région. Les antennes régionales sont des relais importants pour la CNIDH. Il s'agit en fait de rapprocher davantage la commission de la population que nous servons et de faciliter ainsi les possibilités de saisir la commission en cas de violation des droits de l'homme, mais aussi de faciliter évidemment la transmission des messages aussi bien vers le haut que vers le bas. Et l'antenne régionale qui est basée à Bujumbura mais qui couvre aussi la région de la province de Bujumbura rurale et ensuite la province de Bubanza, de Chibitoke et de Muramvya. C'est une avancée, si vous voulez, dans le processus de décentralisation des services de la CNIDH en vue de les rapprocher davantage de la population et de pouvoir recueillir les préoccupations relatives aux droits de l'homme ou bien transmettre les messages relatifs aux droits de l'homme jusque dans les couches profondes de la population. L'intention de la CNIDH, c'est d'avoir évidemment ce bureau régional qui est effectivement basé à Bujumbura. Mais la réalité, c'est aussi que, c'est vrai, il y a en partie une partie du staff technique qui est basé à Bujumbura, dans la mairie, mais il y a aussi des points focaux provinciaux dans chaque province couverte par l'antenne. La région ouest, comme vous le savez, fait frontière avec la frontière nord-ouest et ce qui porte en réalité le potentiel de certaines activités et parfois criminelles qui peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour les droits de l'homme. L'autre défi évidemment par rapport à la ville de Bujumbura en particulier, c'est la population urbaine qui est à majorité jeune et la présence de beaucoup de jeunes qui sont en situation de chômage et de mécontentement et qui sont très facilement désorientés, surtout en cas de troubles politiques. C'était le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Parlons maintenant du secteur agricole pour vous dire que les investissements privés dans ce secteur restent très limités. Raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture appelle les opérateurs à saisir les opportunités dans ce secteur. Au cours d'une rencontre ce mardi avec ses opérateurs, réunis au sein de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi, Deogui de Rurema a souligné que l'agriculture burundaise est négligée, laissée seulement aux paysans. Et bien que certaines personnes aient peur des aléas climatiques dans ce secteur, le ministre affirme que les risques seront partagés. Il nous parle d'abord de ses opportunités. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'octroi facile des intrants pour la fertilisation des sols. Le gouvernement a un programme de repeuplement du cheptel, collaboration avec les partenaires pour l'augmentation de la fumure organique et rendre productif nos terres. Mais aussi, nous sommes en train de nous artérer pour mettre en place les infrastructures de gestion post-récolte. Et dans tout ça, alors, nous invitons les investisseurs à venir collaborer ou renforcer les actions du gouvernement en cours. Il est vrai, certaines personnes ont des inquiétudes concernant les aléas climatiques ou le niveau de productivité de nos terres. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que dans le passé, les investisseurs travaillaient en vase clos, ainsi qu'au niveau du ministère. Alors, nous nous sommes convenus que nous allons travailler de manière participative, partager ces risques et encourager les bonnes leçons tirées là-dedans. La transformation va nous permettre de conserver les produits qui sont souvent périssables, les légumes et les fruits. Et l'avantage de cette affaire de conservation et de transformation, c'est que ça va nous permettre de diversifier des produits d'exportation et au lieu que ce soit seulement le café ou le thé ou le coton qui étaient considérés comme des produits d'exportation avec des produits agricoles transformés, nous allons élargir l'assiette des produits d'exportation, ce qui va nous amener des devises dans notre pays. Deogui de Rurema, le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, au micro de Mireille Kanyangé. On parle infrastructure en Ngozi. En délai de 2 mois, a été accordé aux propriétaires de kiosques Kamwa, au chef-lieu de la province de Ngozi, pour les remplacer par d'autres construits en briques cuites ou en tôle métallique. Comme l'explique le responsable de l'urbanisme en Ngozi, l'objectif principal de l'opération est l'assainissement de cette ville ainsi que la lutte contre les incendies, comme nous le rapporte notre correspondant permanent, Apollinaire Mouzagara. Selon les différentes rues du chef-lieu de la province Ngozi, sont construits des kiosques en bois. Les responsables de l'urbanisme dans cette province ordonnent la démolition de ces kiosques éboutis, et cela dans une période ne dépassant pas 2 mois. Cette mesure est prise dans le but d'assainir cette ville, sans oublier la lutte contre les incessants incendies survenus dans de tels kiosques, explique ce responsable de l'urbanisme. Les détenteurs de ces boutiques érigées en bois sont donc appelés, soit ces dernières par d'autres construites en tôle métallique ou en briques. Oui, cette mesure n'est pas mal accueilli par les propriétaires d'hôtels kiosques, demande seulement que ce délai soit prolongé, arguant qu'il est difficile de trouver immédiatement de l'argent pour construire ces nouveaux kiosques aussi coûteux. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. C'est la chronique santé sur l'hypertension artérielle. Une personne sur 3 aurait l'hypertension, selon le cardiologue Dr Baransaka Élisée. Et dans la plupart des cas, la personne qui souffre de cette maladie ne remarque aucun signe, ce qui fait qu'elle peut évoluer en détruisant d'autres organes. Les détails dans cette chronique présentée par Clarine Nkurunziza. Nous avons tous de la tension dans nos artères qui permet au sang de circuler correctement, comme l'explique Dr Baransaka. C'est quand le rythme est disproportionné qu'on dit qu'il y a hypertension artérielle. Quand le cœur se contracte et propulse le sang dans les artères, la tension est à ce moment-là plus élevée. C'est ce qu'on appelle la pression systolique. Par contre, quand le cœur se relâche et se remplit de sang, du sang provenant des veines, la tension est à ce moment-là la plus basse. C'est ce qu'on appelle la pression ou la tension diastolique. Les causes de cette maladie sont difficiles à trouver et c'est cela qui justifie son traitement à vie. Dans près de 95% des cas, l'hypertension est dite essentielle, c'est-à-dire sans cause retrouvée. Ça veut dire que même si on fait des explorations, des examens à la recherche d'une étiologie, on ne trouvera rien. Et c'est ça qui va même justifier le traitement à vie. Puisqu'on ne trouve pas la cause, on ne peut pas arrêter le traitement. D'après toujours Dr Balansaka, il arrive que l'hypertension soit provoquée par d'autres maladies. Dans de tels cas, cette hypertension est curable. Il reste 5%. Dans 5% des cas, l'hypertension est secondaire à une autre maladie qui peut être curable, qui peut être traitée. Il peut s'agir d'une maladie du rein, une maladie des artères rénales, mais aussi une maladie des glandes. Des glandes comme ce qu'on appelle les glandes surrénales sont des glandes qui sont à côté des reins. L'hypertension artérielle est appelée le plus souvent maladie silencieuse, puisqu'elle ne s'accompagne d'aucun signe, et cela est d'autant plus grave qu'elle poursuit ses effets néfastes sans que la victime s'en rende compte. Plus de la moitié des adultes présentant une hypertension artérielle l'ignorent. Ceci est un facteur de gravité, puisque pendant le temps que l'hypertension évolue, poursuit ses effets délétères sur les artères, mais aussi sur le cœur. Et lorsque l'hypertension est sévère, et ou brutale, elle peut s'accompagner de quelques signes qui ne sont pas spécifiques de l'hypertension artérielle. Des signes qu'on peut rencontrer dans d'autres maladies, c'est entre autres les maux de tête, les saignements du nez, c'est les vertiges, les paresthésies, une vision floue. Et ce sont des signes qui peuvent faire penser qu'on a un paludisme, qu'on a une fièvre typhoïde. Cette hypertension artérielle, quand elle dure depuis un moment, peut être responsable d'une souffrance des autres organes, comme on le verra dans la seconde partie de cette chronique santé, avec toujours docteur cardiologue Balansaka Élisée. Merci Clarine, merci docteur Élisée. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde du micro. Jean Bosco, Nouimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.